Bueno, sí. Ma réflexion sur, sur l'université est en réalité une partie d'une réflexion plus générale. Je vais essayer de marquer un certain nombre de points de division dans mon travail. J'ai commencé par réfléchir sur l'école telle qu'elle était organisée dans le modèle républicain hérité en France la Troisième République. Et ce modèle d'école concernait essentiellement l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. La Troisième République n'a pas eu une réflexion originale sur l'enseignement supérieur. Elle a pris comme référence l'enseignement scientifique allemand en essayant de l'adapter au mode administratif français qui était tout à fait contradictoire avec le modèle allemand. Il y a donc toujours eu un embarras dans la vision proprement française concernant l'enseignement supérieur. On peut le résumer de la manière suivante. La société française n'a jamais su quoi faire de ses universités et elle a su quoi faire de son enseignement primaire, de son enseignement secondaire et de ses grandes écoles. Il y a donc dans l'ensemble du dispositif relevant de l'enseignement, il y a une sorte de point aveugle qui concerne les universités au sens étroit du terme. Pas l'ensemble de l'enseignement supérieur, mais les universités au sens étroit du terme. Et d'un certain point de vue, on peut dire que depuis des années maintenant, on essaye, les divers gouvernements, mais aussi les divers ceux qui réfléchissent sur l'université, essayent d'éclaircir ce point aveugle, mais c'est un point extrêmement noué que l'on n'arrive pas, on n'a toujours pas arrivé à dénouer. Ça, c'est une première remarque. Elle nous permet de souligner qu'une partie de mon travail porte sur le système français en tant qu'il est distinct des autres systèmes, des autres systèmes dans des sociétés comparables, sociétés industrielles développées. Il est tout à fait évident que l'héritage républicain concernant l'école ne se retrouve pas du tout, pour des raisons évidentes, en Grande-Bretagne, ne se retrouve pas du tout en Allemagne, ne se retrouve pas du tout en Italie, où en plus il a subi une rupture par le modèle italien, une rupture avec les accords de Latran, qui sont partis d'une école qui avait été laïcisée et sont revenus à une école entièrement soumise à la hiérarchie catholique, déplacement très important, alors qu'en France, mis à part la période courte de Vichy, il ne s'est rien produit de tel. Donc il y a une première ligne de mon travail qui concerne en gros la question: qu'y a-t-il de particulier dans le modèle français concernant les diverses branches de l'enseignement? Et la réponse est qu'il y a quelque chose de particulier affirmativement concernant l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, les grandes écoles, mais pas les universités. Un deuxième axe de réflexion concerne les universités en général, sans me poser la question de savoir s'il y a quelque chose de particulier à la francophonie. Je laisse de côté la pertinence française et je me pose la question des universités. D'un point de vue historique, j'ai été amené à réfléchir au rôle que les universités dans l'espace de langue allemande ont joué pour ce qu'on appelle un terme variable, l'assimilation, l'intégration des communautés juives de langue allemande. Il est tout à fait frappant que la manière dont les communautés juives de langue allemande ont pu entrer dans la société allemande, en faire partie, y être reçue, mis à part évidemment le domaine de l'art, du théâtre, de la musique, où les artistes sont reçus, mais toujours au titre de l'exception. Il y a deux voies, l'une qui est celle du commerce, la banque, et l'autre voie qui est celle de la Wissenschaft, institutionnalisée par des formes universitaires. Un exemple assez intéressant, c'est celui de la famille Warburg, où vous avez d'un côté des frères qui vont s'occuper de la banque, qui va être une des plus importantes banques européennes. Avant 1914, Marcel Proust écrit en toutes lettres que la seule banque à laquelle il fasse confiance est la banque Warburg. Et puis vous avez, à l'intérieur de la fratrie Warburg, vous avez Abby Warburg, qui va dire à ses frères, je n'ai pas l'intention de m'occuper de banque, donnez-moi de quoi vivre et je m'occuperai de ça. Fonder une certaine forme d'histoire de l'art. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple qui éclaire de manière très généralisable la manière dont les communautés juives de langue allemande ont pris à bras le corps la Wissenschaft, ont en quelque sorte substitué au savoir talmudique avec la même fonction qui était qu'un des enfants pouvait, les autres se consacrant à gagner leur vie, un des enfants pouvait se consacrer à la Wissenschaft. Comme précédemment, dans les familles juives, un des enfants pouvait se consacrer au savoir talmudique, les autres prenant en charge la possibilité de donner à celui qui avait choisi la voie du savoir les moyens d'existence. Ce rôle que les institutions universitaires a joué en Allemagne est quelque chose qui ne se retrouve pas au même degré dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement secondaire. Il y a certainement eu des professeurs, des juifs professeurs de l'enseignement secondaire, mais ce n'est pas ça le modèle majeur. Le modèle majeur, c'est vraiment l'enseignement supérieur, avec cette organisation propre des universités allemandes, héritée de la réforme, c'est-à-dire des universités qui sont chacune indépendantes les unes des autres, sans qu'il y ait une institution d'échelle nationale qui les recouvre comme puissance à la fois de contrôle et comme puissance tutélaire. Effectivement, Langton, le bras droit de Luther, qui avait proposé ce modèle d'organisation qui, en quelque sorte, calque sur la conception que la réforme luthérienne, en fait calviniste également, se fait de l'Église, calque sur ce modèle de l'Église, avec des paroisses locales totalement indépendantes, où les fidèles élisent le pasteur, les pasteurs élisent un conseil qui s'appellera le synode, et une organisation qui va du bas vers le haut. Les universités allemandes sont organisées sur ce modèle-là. Et au lieu que ce soit évidemment au service de Dieu, bien que les universités allemandes aient très souvent inclus une faculté de théologie, c'est au service d'une entité nouvelle qui s'appelle le savoir. Je traduis en français par le savoir, et qui est le nom allemand est Wissen. Cet angle de travail m'a amené donc à réfléchir sur une histoire, une phase de l'histoire du judaïsme européen et l'émergence d'une figure du juif de savoir qui est très largement représentée en langue allemande et qui va se prendre de plein fouet la destruction du modèle allemand des universités par le nazisme, où la liberté universitaire va être pratiquement du jour au lendemain annulée. On va préserver certaines formes, mais fondamentalement, ce sont les entités extérieures à l'université, que ce soit le Land local, enfin le Gaub local, ou le parti qui contrôle l'enseignement. Ils vont prendre le plein fouet la fin de l'université, la fin du savoir, puisque le nazisme considère que le savoir est subordonné à la nation, au peuple, exactement, Volk, alors que dans la Wissenschaft antérieure, la Wissenschaft l'emportait sous toute autre forme, y compris le peuple. C'est ainsi que j'interprète, pour ma part, le titre de Heidegger sur l'auto-affirmation, la traduction qu'on donne, die Selbstbehauptung, qui est en vérité, l'auto-affirmation est une mauvaise traduction. C'est en quelque sorte la déclaration de soi par l'université allemande, Selbstbehauptung. Le mot Selbst est fondamental, veut dire que l'université allemande désormais ne cherche plus son essence, la légitimité de sa Behauptung dans quelque chose qui ne serait pas l'université, qui serait le savoir comme profession, qui était alors que Heidegger, qui écrit un texte dont je crois avoir démontré qu'il s'oppose ligne à ligne au texte de Weber, Heidegger dit « Il n'y a pas de Wissenschaft qui soit supérieure à l'université. L'université a un soi, et c'est ce soi qui doit fonder son affirmation, et ce soi est fondamentalement le même que celui du peuple, du folk, autrement dit, le savoir est évacué comme référence. C'est donc une recherche sur l'histoire du judaïsme européen. Parmi les grandes figures du savoir, on les trouve chez les émigrés des années 30. Hannah Arendt est une juive de savoir. Sa référence constante à son maître Jaspers, sa importance qu'elle pour elle, son engagement dans une préparation de thèse est quelque chose de tout à fait essentiel. Mais je pourrais citer Panofsky, je pourrais citer toute une série d'auteurs plus ou moins connus, qui ne s'aiment pas forcément les uns les autres. Je pense par exemple à Léo Strauss, qui est l'incarnation est évidente du savoir, mais qui va finalement se trouver plus proche intellectuellement de quelqu'un comme Carl Schmitt, quels que soient les choix politiques de Carl Schmitt, que de quelqu'un comme Hannah Arendt. Peu importe ces différences internes, il y a quelque chose de commun qui est lié à une certaine conception de l'université. Conception que, je le répète, nous n'avons jamais développée complètement dans le dispositif français. Parce que dans le dispositif français, même si le savoir est présenté dans les années, des années 1880 jusqu'aux années 1920, disons, comme l'horizon qu'il faut atteindre, je pense à l'école historique de Lavis, je pense aux latinistes et aux hellénistes français, l'école très brillante à ce moment-là, malgré cela, ils font partie d'une organisation administrative qui n'est pas totalement maîtresse d'elle-même, puisque c'est malgré tout, au dernier ressort, l'administration d'État qui définit les postes, les attributs, et comme l'a dit Lançon à Dumézil, pour une histoire qui est très courante, nous avons tous fait des expériences comme ça, Dumézil, relativement jeune normalien, il sortait de la guerre de 14, et l'État avait dit, les Normaliens qui ont fait la guerre vont bénéficier d'un certain nombre de dérogations. Évidemment, quand ils étaient dans les tranchées, ils ne pouvaient pas rédiger leur thèse, ou ils ne pouvaient pas terminer leur mémoire de diplôme. Et puis, Dumézil se présente devant le directeur de l'école normale de l'époque, il est Gustave Lançon, qui lui dit, ben, il n'y a pas de dérogation. Dumézil dit, mais on nous avait promis, et Lançon a dit, dans l'université, on ne promet rien, on vous laisse espérer. Cette formule me paraît toujours d'actualité, mais elle ne vient pas du tout du modèle, du modèle allemand. Tel qu'il a fonctionné idéalement à l'époque au 19e siècle. Tout à fait autre chose. Ça vient, c'est une phrase administrative. Ça veut dire, en dernier ressort, c'est l'administration qui tranche. C'est donc tout à fait autre chose. Ce point, de cette ligne de recherche concernant la place de la judéité, la place de l'université dans la judéité, trouve en quelque sorte son point d'arrêt, enfin son point de conclusion, avec la disparition des grands émigrés, la génération d'Anna Arendt, de Léo Strauss. Leurs élèves peuvent être juifs. Ils ont vécu aux États-Unis, ils ne sont plus du tout dans le même, n'ont pas du tout la même expérience. L'université qu'ils connaissent, ça n'est pas l'université allemande, c'est l'université américaine, qui est états-unienne, où la référence au savoir est tout à fait variable suivant les lieux, elle est incluse dans un système de concurrence. C'est bien plutôt un modèle de type commercial qui préside, le savoir étant devenu une marchandise concurrentielle comme une autre. Il y a des universités qui choisiront le savoir, par exemple Harvard. Tout le monde sait que dans certaines disciplines, si l'on veut faire carrière, il faut être passé par Harvard, parce que c'est là que le savoir le plus aigu a été défini. Dispensés, mais ce sont des disciplines, ce sont des métiers où les connaissances pour les raffiner accompagnent les augmentations des revenus. Pour les avocats, par exemple, les lawyers. Pour être un grand lawyer aux États-Unis, il faut avoir fait la Harvard Law School. Pourquoi ? Parce que être un lawyer aux États-Unis, c'est pas du tout comme un avocat en France, il peut rien connaître au droit. Son problème, c'est pas connaître quelque chose au droit. Son problème, c'est d'avoir une belle voix. Pratiquer la rhétorique. Aux États-Unis, ça n'a aucune espèce d'importance. Un avocat qui a une voix grinçante peut parfaitement faire carrière. L'important, c'est qu'il connaisse les arcanes du droit sur le bout du doigt. Et les arcanes du droit, c'est le droit anglo-saxon, c'est-à-dire que vous avez plusieurs types de droits. Vous avez du droit coutumier, vous avez du droit écrit, vous avez le droit romain qui continue d'être une référence, vous avez le droit saxon qui continue d'être une référence. Il faut donc avoir un savoir livresque d'une étendue très grande et surtout, le plus important, la capacité de retrouver sous la pression la référence qui va vous faire gagner. Quelque chose qui a beaucoup plus de rapport avec ce que l'on enseigne en France dans les classes de concours. C'est beaucoup plus ça que donc, si vous voulez, Harvard Law School, ça ressemble plus dans le mode d'enseignement à des cadres, d'anciens modèles, qu'à des universités, des universités françaises. Pour résumer, le système des universités américaines est aussi diversifié que le système de Los Angeles. Vous avez des universités aussi différentes les unes des autres que vous avez des églises ou des sectes différentes les unes des autres. Cela dit, une situation s'est développée ces dernières années, et c'est cela que je voulais viser plus particulièrement quand je parlais de l'université comme foule, c'est que s'est instauré à l'échelle mondiale un modèle de référence qui est la, je ne dirais pas la manière d'enseigner des universités américaines, mais la manière d'évaluer qui est pratiquée dans les universités américaines. Autrement dit, qu'est-ce qui va compter dans un curriculum vitae ? Désormais, le modèle du curriculum vitae universitaire tend à être partout le même. Prima de l'article sur le livre. Prima de l'article, à condition qu'il soit dans des revues qui apparaissent dans un certain ordre, dans une classification internationalement reconnue des revues. Vous connaissez le problème des revues avec deux lecteurs ou trois lecteurs, est-ce que l'ordre de, si les articles sont co-signés par plusieurs auteurs, est-ce que l'ordre d'importance des auteurs est pertinent, enfin, respecté dans l'ordre de citation, ou est-ce que c'est simplement l'ordre alphabétique? Un système de commence à devenir mondial de systèmes de référence, je veux dire des bibliographies. Tout cela, ça n'est pas au sens propre de la transmission du savoir, ça n'est pas au sens propre de la construction du savoir, c'est, à mon avis, quelque chose de l'ordre de la mise en forme du savoir de telle façon qu'il puisse être, que la production de savoir puisse être évaluée, avec des critères qui soient homogènes d'un bout de la planète à l'autre. C'est aux États-Unis que ces formats sont définis, en sorte que l'on peut dire qu'il y a une université mondiale dans laquelle en plus il y a une véritable circulation. Autrement dit, mes collègues, collègues de mon âge états-uniens ont tous parcouru le monde en ayant des postes temporairement. Ils avaient un poste fixe, en quelque sorte, dans une université américaine. Et puis, étant donné leur prestige, ils pouvaient avoir un poste d'un an sur toute la surface de la Terre. Je connais comme ça, il y a une circulation. Et pourquoi est-ce que c'est possible? C'est parce que les critères de formatage sont exactement les mêmes. Ce n'est pas simplement, il y a bien entendu, un prestige des universités américaines par rapport aux autres, mais il y a surtout le fait que les formatages étant les mêmes, la circulation des individus est rendue infiniment plus facile. Ce qui est vrai pour les enseignants l'est aussi pour les étudiants. Autrement dit, nous savons tous que des étudiants circulent d'université en université. Alors il y a la version que j'appellerais culturelle, généreuse, celle d'Erasmus, si vous voulez. Puis l'autre version, beaucoup plus insidieuse, qui est la suivante. Prenez le cas de l'Inde. L'Inde produit parmi les meilleurs physiciens du monde, à 20 ans, meilleurs étudiants de physique du monde. Très peu d'entre eux vont directement aux États-Unis. Ils commencent par un cursus indien. Et le diplôme indien qu'ils obtiennent leur permet de candidater dans une université états-unienne. C'est en quelque sorte le système national des universités, le système indien des universités, est considéré de plus en plus comme la propédeutique pour le système états-unien. Ou anglais, puisque, britannique, puisque dans certains domaines, le système britannique rivalise en prestige, je pense à Oxford et Cambridge, avec les universités américaines. Autrement dit, on a une sorte de dispositif où, dans des pays qui n'ont pas, qui n'entrent pas exactement dans le formatage, qui ne sont pas dans la classification internationale suffisamment haut, les universités qui continuent d'exister sont là comme des points de passage qui permettent à leurs meilleurs étudiants d'arriver dans le système étatique. Actuellement, c'est ce qui se passe pour les grandes écoles françaises. Les grandes écoles françaises considèrent que, sauf exception, c'est gâché dans les étudiants que les envoyer dans une université française s'ils sont brillants. Donc, on va conclure des accords avec les universités britanniques ou les universités états-uniennes. Autrement dit, ce qui est en train de se passer, le système français est en train de devenir comme le système indien ou comme le système chinois. Que je décris pour l'Inde, c'est vrai aussi pour la Chine, c'est-à-dire un système qui est un système de marchepied. Et non, ce n'est plus un enseignement supérieur, c'est un enseignement intermédiaire entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, proprement dit, c'est-à-dire celui qui donne accès à des connaissances nouvelles, lesquelles vont permettre à celui qui les reçoit de produire des connaissances. une connaissance nouvelle devant être reconnue à la fois comme connaissance et comme nouvelle. Si je produis, c'est connu, ça. Si je produis, on n'est plus à l'époque, au 19e siècle, on pouvait dans son, au 17e siècle, on pouvait dans son bureau produire le théorème de Fermat. Et après, le faire circuler dans un petit ensemble qui s'étendait à l'Europe entière, qui comptait combien de membres? Une vingtaine, une trentaine de membres, à l'échelle de l'Europe. Aujourd'hui, ça n'est plus comme ça que ça peut fonctionner. Donc, on est, de fait, dans un système de foule. L'ensemble des étudiants et l'ensemble des enseignants, pris à l'échelle mondiale, forment une foule qui est animée de mouvements de circulation. C'est à l'intérieur de cette foule que se détache, par le biais du prestige de telle université dans tel pays, par le formatage, par la notoriété, que se détachent des figures qui vont donner le sentiment que quelque chose du modèle de l'institution de savoir continue d'exister. Mais à mon avis, la base réelle, matérielle, de ce système n'est pas le savoir. Le savoir, en quelque sorte, vient comme une sorte de bénéfice collatéral d'une organisation mondiale dont l'utilité sociale est très très claire. Elle est le moyen de traiter dans une société fondée sur le profit, la production de profit, ce moment de la vie où l'on n'est pas encore producteur. Ça s'appelait autrefois la jeunesse. Ça a toujours été comme ça. Simplement, aujourd'hui, c'est la déchéance. C'est-à-dire qu'on est au temps du marché mondial. Oui, ça a toujours été comme ça. Si vous lisez, par exemple, Les Misérables, il y a une description de ce que sont les étudiants dans Les Misérables, les étudiants qui vont se battre, monter des barricades. Mais la description que donne Victor Hugo est tout à fait parlante. Ces étudiants sont capables de s'unir au peuple révolté parce qu'eux-mêmes ne sont pas encore pris dans le système de la production de profit à laquelle ils vont prendre part une fois qu'ils auront atteint l'âge. On peut dire que mai 68 a été une des dernières versions de ce modèle ancien. Aujourd'hui, ce modèle est étendu à l'ensemble du monde, et c'est pourquoi on peut dire qu'il y a une foule universitaire. Parce que ce temps intermédiaire est à l'échelle du monde. C'est à l'échelle du marché mondial que vous avez ceux qu'on met au travail tout de suite, le travail des enfants. Un secret que je révèle, que la machine économique du monde fonctionne à l'aide du travail des enfants. Je laisse ça de côté, puisque le travail des enfants est aussi ancien que l'humanité elle-même. Ce qui est nouveau dans les pays dits émergents, c'est précisément l'émergence d'une couche, on pourrait dire désœuvrée, mais elle n'est pas désœuvrée, une couche qui vit grâce au profit que leurs parents, leurs tuteurs, peu importe, leur famille, leur permettent, leur donnent des moyens de vivre, mais pour, au bout d'un certain temps, plus ou moins allons entrer à leur tour dans le système de profit. C'est maintenant à l'échelle mondiale que cette couche intermédiaire existe. Alors que pendant très longtemps, elle n'existait que dans les pays industrialisés, c'est-à-dire en fait en Europe, et à partir d'un certain moment, aux États-Unis. Donc on a bien un effet de foule du point de vue de l'extension du phénomène. Mais bien entendu, l'université doit à tout prix, les universités ou l'université doit à tout prix faire croire que ceux qui passent par ses mains échappent à la foule. Pourquoi je suis, moi, à la fois sensible au mouvement de défense que l'université ou les universités déploient, et en même temps inquiet devant le piège qui leur est tendu? Parce que ce qui est attendu d'elles, c'est justement que l'effet de foule soit en quelque sorte désarticulé par des savoirs au pluriel, des savoirs technologiques ou par un peu importe, des savoirs au pluriel. Disons les choses autrement, si la classe intermédiaire, la couche intermédiaire de ceux qui vivent des profits produits par d'autres, parce qu'on en attend d'eux que bientôt ils deviendront producteurs à leur tour de profits, si cette couche-là disait « je refuse », on aurait, à l'échelle du monde, une foule d'insoumis, pour reprendre un terme moderne, qui pourrait être extraordinairement déstabilisant. Si on mesure dans les cas où les choses se sont produites, par exemple ce qui s'est passé en Europe en mai 68, ce n'est pas simplement en France, mais aussi en Allemagne, aussi en Italie, si on prend ce qui s'est passé pour des raisons différentes dans des périodes analogues aux États-Unis, à savoir le fait qu'une couche entière qu'on a appelée la jeunesse a refusé le système économique, en Europe cela qui l'emportait, et aux États-Unis le système économico-militaire, puisque c'était la guerre du Vietnam, les sociétés ont été extrêmement, extrêmement déstabilisées. Il ne faut donc pas que cela puisse se coaguler. Et malheureusement, nous qui transmettons les savoirs, nous contribuons à segmenter cette couche. Et notre devoir, d'un certain point de vue, c'est de transmettre les savoirs. Mais sachons bien qu'en les transmettant, nous segmentons cette couche. Dernière question, c'est la nature de ces savoirs. Il y a des savoirs qui sont, en quelque sorte, d'emblée, enfin, qui ont été calqués simplement sur les besoins du marché mondial. Je ne veux pas condamner les personnes dans le métier de transmettre ces savoirs, mais enfin, il est tout à fait clair qu'il faut beaucoup d'aveuglement de leur part pour ne pas se rendre compte que ce qu'elles transmettent non seulement segmente la population que je l'écrivais précédemment, mais que les segments de telle façon qu'elle va produire les agents les plus efficaces possibles de de la production de produits. Et puis, il y a des savoirs qui ne sont pas calqués sur ces demandes qui viennent d'ailleurs, qui, dans la construction, parfois vient d'elle-même. On va citer les mathématiques si vous voulez, mais en se souvenant qu'elles sont prises de plus en plus dans un étau, étant donné qu'on a découvert, après avoir expliqué pendant des années que les mathématiques ne servaient à rien, on a découvert que c'était la science la plus utile pour inventer des produits financiers. Les mathématiciens sont une classe propre, pris dans un étau, ou bien mathématiques pures, ou bien la mathématique financière avec des salaires de 6 chiffres à la clé. Comment on fait ? Mais indépendamment de ça, il y a une série de disciplines ou un nom ou des figures qui ne sont pas des demandes, qui ne répondent pas à des demandes du profit. Même si elles ne répondent pas à ces demandes, elles peuvent y servir. Le profit peut s'accommoder de beaucoup de choses, mais ne répondent pas directement à une demande. Alors, mon propos n'est pas de dresser un programme d'action pour les universitaires. Mon propos est de marquer les points, de signaler les points de leurs difficultés. L'université en France, comme je l'ai dit, la société française ne sait pas quoi en faire. Et pour essayer de répondre à cet aveuglement, renforcé par le fait que la plupart des dirigeants politiques ou des gestionnaires ne sont pas passés par l'université. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, la plupart des gestionnaires sont passés par des universités. Ils sont passés par des grandes écoles, en France. Ça fait une même les écoles normales supérieures qui ont des rapports avec les universités, même celles-là, moi je suis élève de l'école normale supérieure, de dire que quand je suis devenu professeur, j'ai enseigné. Mon premier enseignement a été dans une université, je me suis rendu compte que je n'avais aucune expérience comparable à celle de mes étudiants. Ce n'est pas du tout pareil. Dans une grande école, les cours vous sont donnés, la liste est dressée, on part du principe que vous réussirez à l'époque, c'était les concours et les questions qu'on vous posait, c'est que ferez-vous après ? Les étudiants que j'avais, c'était pas du tout comme ça qu'ils étaient. Ils ne partaient pas du tout du principe qu'ils réussiraient les concours. Pour eux, c'était même presque inenvisageable qu'ils s'y présentent. Et que s'ils s'y présentaient, c'était presque inenvisageable qu'ils aient réussi, si on ne faisait pas du premier coup. C'était un tout autre monde. Alors, si vous pensez à des grandes écoles telles que l'ENA ou telles que Polytechnique ou l'école des mines, c'est encore pire. Donc l'idée qu'ils peuvent se faire d'une université est égale à zéro. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. L'idée qu'ils peuvent se faire d'un laboratoire de recherche est égale à zéro parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Alors que, je le répète, sans faire des États-Unis un idéal, mais tous les hommes et toutes les femmes politiques sont, sinon tous, au moins 60% ont un PhD, et ayant fait un PhD, ils ont fait au moins un ou deux ans ou trois ans de quelque chose qui ressemble à la recherche. dans un ensemble qui ressemble à un laboratoire de recherche, que ce soit de la sociologie, que ce soit de la linguistique, que ce soit du droit, que ce soit... C'est... C'est pas pour Trump, mais pour Hillary Clinton, par exemple, il est clair qu'elle avait une idée de ce que c'était qu'une université, de ce que c'était qu'un PhD, donc une activité de recherche, alors que la plupart de nos dirigeants, quelqu'un tout à fait respectable, comme Jacques Chirac, sa seule formation, François Hollande, c'était pareil, aucune idée. Qu'il n'avait jamais des compétences, travailler à la Cour des comptes, si je me souviens bien, mais une compétence économique. Mais ce n'est pas du tout la même chose que de faire l'équivalent d'un doctorat où pendant 3 ans, on essaye de produire des connaissances nouvelles sur un objet qui n'est pas forcément l'objet du siècle, mais qui est un objet. N'ayant pas cette expérience, comment voulez-vous qu'il comprenne ? D'où ces fameuses phrases, par exemple concernant le CNRS, tous ces gens qui recherchent, j'aimerais bien qu'ils trouvent quelque chose. Mais quelqu'un qui a fait un doctorat sait très bien que, si petite que soit la chose que l'on ait trouvée, si on a fait son travail correctement, au bout des, ça dépend du temps, les 3, 4, 5 ans de recherche que représente un doctorat, on a trouvé quelque chose nécessaire, qui peut s'énoncer en une phrase, en un paragraphe. Pour ne pas comprendre cela, il faut n'avoir aucune expérience de ce que c'est qu'un doctorat. Or, 90% de nos dirigeants n'ont pas. Ils ont une formation d'un tout autre ordre. Je ne dis pas qu'ils soient ignorants, je ne dis pas qu'ils soient incultes, certains le sont, d'autres ne le sont pas, mais ils n'ont pas ce type d'expérience-là. Donc, aux difficultés globales que j'ai énoncées concernant le fonctionnement de l'université mondiale à l'heure actuelle, liées à l'émergence mondiale d'une couche intermédiaire qui, pour lesquelles l'université mondiale fonctionne comme un parc à huîtres, un endroit où on est loge, en attendant qu'il produise. En dehors de ces difficultés globales, que je décris ou j'essaie de capter souvent l'université comme foule, il y a des difficultés particulières à la France. On peut dire des choses de manière un peu ironique, en disant que rechercher n'est pas français. Parce que pour la plupart des Français, rechercher, c'est le contraire de trouver. Alors que bien entendu, rechercher, c'est trouver. Peut-être pourrais-je m'arrêter là et répondre à un certain nombre de questions si vous le souhaitez. Qu'en pensez-vous ?